Bah, il devra entendre. You should hear us. Do you hear us? Normalement, il doit m'entendre. Je suis pas mis solo ni rien. C'est vrai que si je fous solo sur toi. Ah oui, mais t'as deux trucs. T'as un orchestre plus une guitare chez toi. Putain, vraiment les insultes que je me suis encaissé ce soir, c'est dingue. Quand j'y repense, oh, les rondes françaises, c'est souvent comme ça. Vraiment des connards. Ta voix, your voice. Yes, the piano. We hear it. Ah, y'a Bill. Qui est revenu là aussi. Okay. Yes. Voilà, je crevais. J'ai une crampe des mains, des bras.